Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, George Clooney et Renée Zellweger. Jimmy Connelly est un coach de football américain vieillissant dont l'équipe est au fond du trou le jour où ils perdent leur sponsor. Pourtant, il est bien décidé à transformer ses joueurs un peu paumés en véritables vedettes des grands stades. Pour parvenir à ses fins, il engage une ancienne vedette du lycée qui est aussi une gloire de la Première Guerre mondiale. Avec lui, l'équipe reprend des couleurs et retrouve la victoire. Est-ce que tu l'aurais embrassé ? Ouais, je l'ai embrassé. Ah, très bien, alors réglez ça dehors. Il est ivre mort. Ivre ? Absolument. Et il y a ta chemise qui brûle. Quoi ? Ah ! Pour faire fortune, on est fauché ? On vient de démarrer la saison. T'as pas de quoi payer les salaires ? C'est fini. Dodge Connolly. Avait besoin d'une vedette. Il n'y a qu'un seul Carter Rutherford. Tu as droit à la reconnaissance due à ton talent. Pour se faire un nom. Joli chapeau. Lexi Littleton. Vous connaissez Carter Rutherford ? Héros du front, footballeur. Oh, héros, footballeur et beau garçon. Avait besoin d'un bon sujet d'article. Je vais devoir surveiller mes paroles avec vous. Vous n'avez qu'à me les confier, je les surveillerai pour vous. Vous tenez la rubrique sportive. Ça vous étonne. Hé, hey, que fait une femme dans la tribune de presse ? Il y a des emplois où seuls les hommes ont leur place. De grands hommes robustes. Bientôt, deux des plus légendaires figures du sport vont devoir s'affronter. Le véritable événement est le match qui oppose Carter Rutherford à son coéquipier Dodge Connolly. Jeu de dupes, une comédie sympathique de George Clooney, un DVD Universal.